Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous écoutez le service français de NHK World Japan. Je suis Marilyn Cara, mon studio ce mardi 11 avril pour le journal de 13h45. Au sommaire de l'actualité, de passage à Tokyo, Sam Altman, le père de ChatGPT, annonce qu'il veut faire du Japon une nouvelle base commerciale et évoque les défis liés à l'IA. Ueda Kazuo, qui a pris la tête de la Banque du Japon dimanche, entend maintenir la politique d'assouplissement monétaire de son prédécesseur. Et après 3 jours de manœuvres militaires autour de Taïwan, l'armée chinoise affirme qu'elle n'hésitera pas à écraser les velléités séparatistes de l'île. Vous en avez sûrement entendu parler, ChatGPT, le système de chatbot basé sur l'intelligence artificielle. Son utilisation se répand dans le monde. Le PDG d'OpenAI, concepteur du robot, était en visite lundi au Japon. Sam Altman a laissé entendre dans une interview accordée à la NHK que ChatGPT allait améliorer nos vies comme on n'aurait jamais pu l'imaginer. Il a déclaré, et je cite, « On voulait arriver ici en premier. Le Japon est un pays particulièrement excitant pour cette nouvelle vague d'IA. Il a aussi une importance géopolitique et des fondements démocratiques solides. » Fin de citation. Monsieur Altman a aussi indiqué qu'il voulait faire du Japon une de ses nouvelles bases commerciales. ChatGPT est capable de créer des textes presque aussi naturels que s'ils étaient écrits par des humains. Il gagne vite en popularité au Japon. Ce système d'IA ouvre la porte à toutes sortes d'opportunités en fonction de son utilisation. Certains pays craignent toutefois que le robot n'ait des conséquences négatives sur l'éducation et qu'il constitue un risque pour les données personnelles des utilisateurs. Pour Sam Altman, il est nécessaire de poursuivre le débat sur l'IA pour faire face aux éventuels problèmes. Il affirme, et je cite à nouveau, « La plupart des technologies ont à la fois des avantages incroyables et des inconvénients considérables, mais je crois que ces outils vont nous permettre de développer notre créativité. » Il a tout de même ajouté que de nouvelles réglementations vont être nécessaires au fur et à mesure que l'IA se développera. Au Japon, le nouveau gouverneur de la Banque du Japon, Ueda Kazuo, va poursuivre la stratégie de son prédécesseur Kuroda Haruhiko et tenter de maintenir l'inflation à 2%. Il compte aussi continuer sa politique d'assouplissement monétaire substantielle. Monsieur Ueda, qui est entré en fonction dimanche, a déclaré lundi en conférence de presse, je cite, « Jusqu'à présent, la Banque du Japon a pris de l'avance sur le reste du monde en mettant en place une série de politiques monétaires non conventionnelles. Je veux tirer parti de cette situation pour avancer, tant sur les aspects théoriques que pratiques, afin de garantir la stabilité des prix. » Monsieur Ueda a aussi évoqué la politique de contrôle de la courbe des taux d'intérêt, appelée YCC, qui maintient les taux à court terme dans le négatif et ceux à long terme autour de zéro. Il a affirmé à ce sujet, et je cite à nouveau, « Je pense qu'il convient de poursuivre cette politique au vu de la situation économique et financière ainsi que de l'état des prix. » Avant la conférence de presse, M. Ueda s'est entretenu avec le Premier ministre Kishida Fumio. Ils ont décidé qu'il n'était pas nécessaire de réviser dans l'immédiat la déclaration de 2013 qui visait une inflation à 2%. M. Ueda est un ancien membre du Conseil stratégique de la Banque du Japon et son premier gouverneur issu du milieu académique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son mandat est de 5 ans, comme celui des autres hauts responsables de la banque. Au bout de 3 jours de manœuvres militaires et de patrouilles autour de Taïwan, l'armée chinoise affirme qu'elle pourrait écraser toute velléité d'indépendance de l'île. Lundi, le commandement du théâtre oriental de l'armée populaire de libération a annoncé avoir testé la capacité de ses troupes à mener des opérations conjointes en conditions réelles de combat. Il a ajouté que son armée était prête à se battre à tout moment et qu'elle écraserait sans hésitation les tentatives séparatistes visant à l'indépendance de Taïwan, ainsi que toute forme d'interférence étrangère. Le porte-avions Shandong, premier du genre construit en Chine, a participé aux manœuvres qui ont débuté le 8 avril. Selon le ministère taïwanais de la Défense, 91 activités du porte-avions ont été détectées en tout autour de Taïwan entre 6h et 18h lundi. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué plus tôt que les opérations ont eu lieu en représailles à la rencontre entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, la semaine dernière. Et voici la deuxième partie de ce bulletin de 13h45 en français. Les armées de l'air américaines et indiennes ont démarré des exercices militaires dans l'est et le nord de l'Inde, sans doute dans l'objectif de maintenir la Chine à distance. D'après New Delhi, ces exercices aériens ont débuté lundi sur des bases militaires des États du Bengale occidental et de l'Uttar Pradesh dans le nord du pays. Ils devraient se poursuivre jusqu'au 21 avril. L'avion de transport américain C-130 participe aux manœuvres dans le cadre d'opérations de ravitaillement en vol. Les forces aériennes japonaises d'autodéfense devraient être présentes en tant qu'observatrices. Un important média indien rapporte que l'armée de l'air indienne a déployé ses avions de chasse HAL Tejas ainsi que des Sukhoi russes, piliers de sa flotte. Toujours selon ce média, les Américains devraient déployer des avions de chasse F-15. Un conflit frontalier entre l'Inde et la Chine alimente les tensions de longue date. En 2020, des affrontements ont eu lieu à la frontière, faisant des victimes des deux côtés. En Ukraine, à présent, les forces russes revendiquent une nouvelle fois la victoire dans la bataille de Bakhmout, l'une des plus sanglantes de cette guerre qui dure depuis 13 mois. Mais le commandant ukrainien de la région affirme que ses troupes gardent le contrôle de la ville. Les forces russes mènent des attaques terrestres dans et autour de Bakhmout depuis août dernier. Des dizaines de milliers de leurs soldats ont été tués. Pourtant, le chef de la région de Donetsk, nommé par les Russes, Denis Pushilin, s'est rendu sur les lignes de front et affirme que les Russes contrôlent plus de 75% de la ville. Selon M. Pushilin, il existe un signe formel que la ville a été prise. C'est le drapeau hissé au-dessus du bâtiment du conseil municipal. Mais le général ukrainien Oleksandr Sirski, qui s'est rendu sur place pour passer ses troupes en revue, affirme que Bakhmout reste sous leur contrôle. Il indique que leurs ennemis ont adopté la tactique dite de la terre brûlée et que les frappes aériennes et les tirs d'artillerie n'ont épargné aucun bâtiment. Les troupes russes ont adopté une approche similaire dans les premiers jours de la guerre sur un autre champ de bataille, plus au sud du pays. Et politique au Japon, pour finir, selon un sondage de la NHK, la cote de popularité du cabinet du Premier ministre japonais Kishida Fumio a augmenté d'un point de pourcentage pour atteindre 42%. Le taux de désapprobation a baissé de 5 points pour tomber à 35%. La NHK a mené une enquête téléphonique auprès de 2557 personnes âgées de 18 ans ou plus et choisies aléatoirement au cours du week-end. 1232 personnes ont répondu. Parmi les personnes qui soutiennent le gouvernement, 48% ont jugé qu'il constituait la meilleure alternative. 21% ont expliqué qu'elles soutiennent les partis politiques qui composent le gouvernement, tandis que 14% ont dit faire confiance à M. Kishida. Parmi celles qui désapprouvent le gouvernement, 51% ont déclaré ne rien attendre de sa politique, 24% pensent qu'il n'a pas la capacité de mettre en œuvre son programme, tandis que 10% disent ne pas soutenir les partis du gouvernement. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle le principal titre. De passage à Tokyo, Sam Altman, le père de ChatGPT, annonce qu'il veut faire du Japon une nouvelle base commerciale. Voilà, le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à l'écoute de NHK World Japan.